Salut à tous et bienvenue sur le WB Japanese Radio Show pour la rubrique Copie non conforme. 5 covers et leur version originale à découvrir tout de suite. Red Right Hand est un titre de Nick Cave and the Bad Seeds paru en 1994. Arctic Monkeys l'ont repris en face B de leur single Crying Lightning en 2009.

copie non conforme. Vous souvenez-vous du titre Diabolomante de Yves Simon dans les années 70? Eh bien, on l'écoute aussi par la voix féminine de Soko. Secret, tous ces mots que tu ne dis jamais. Copie non conforme. Daydream fut un grand succès de l'année 1968 par les Belges de Wallace Collection. The Beta Band en a fait une adaptation en 2001 en changeant le titre qui devient Squares. I've seen the demons, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. I've seen the people, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I gave the run around. I reached your feelings, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. So miles and miles. I dream of you amid the flowers. Copie non conforme. On va écouter maintenant une version live de Jezebel d'Edith Piaf par l'anglaise Anna Calvi. So much for, thank you so much everyone for coming. And, this is Jezebel. Good night. Sur ma vie, et grâce au pietino emportant mon cœur, Jezebel, mais pour toi je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. Où es-tu, Jezebel, où es-tu? Les souvenirs que l'on croit faner sont des êtres vivants avec des yeux de mort, vibrant encore de passé. Mais mon cœur est crevé d'obsession, il bat en répétant tout au fond de moi-même ce mot que j'aime, ton nom, Jezebel, Jezebel. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, et grâce à des enfers en criant sans répit jour et nuit. Jezebel, Jezebel, Jezebel. Copie non conforme. Les Parisiens de Palatine nous ont fait une très belle adaptation de Novocaine for the Soul de Hills, qui figurait sur l'album Beautiful Freak, paru en 1996. Life is hard, and so am I. Better give me something so I don't die. Never came for the soul before I spun around. Before I spun around. Life is white, and I am black. Jesus and his lawyers are coming back. Oh, my darling, will you be here before I spot around? Before I spot around. Sure. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut !